Bonjour à tous, bienvenue dans le Bifort sur le 92.2 de Radio Dijon Campus, comme tous les vendredis matin, quand le superbe ordinateur de Radio Campus nous le permet, nous vous proposons le Bifort de 7h30 à 8h en attendant la matinale avec le Martin de 8h à 9h. Une demi-heure pour l'actualité française, pop, groovy, hip-hop, à texte ou pas, allez savoir. En tout cas, une demi-heure pour se faire plaisir sur les ondes de campus. Et on attaque tout de suite avec un de mes groupes favoris, signé chez le label Tricatel. C'est le collectif pluridisciplinaire. Ils écrivent, ils dansent, ils chantent, ils sont beaux, ils sont jeunes. C'est le groupe Catastrophe, et la chouette nouvelle, c'est que Valtipa a un nouveau maxi qui poindre son nez. Le titre s'appelle Encore, et c'est toute une histoire ce titre. On écoute l'extrait du dernier EP de Catastrophe. Collectif Catastrophe avec ce petit EP Encore, et vous, que feriez-vous le jour de la fin du monde? C'est les 6 membres de Catastrophe, eux, qui ont fait leur choix, et les résumer dans ce titre et ce morceau qu'ils publient aujourd'hui, Encore. Encore, parler aux inconnus, chanter, danser, se saouler la nuit, faire l'amour partout. Le morceau Encore, et oui, sortira officiellement le 28 mai, c'est-à-dire, eh ben, hier, oui, tout simplement. Sous la forme d'un double single, accompagné d'un titre et du titre Solastalgie, voilà, les deux chansons d'ouverture et de clôture d'ailleurs du prochain album de Catastrophe qui paraîtra, lui, l'album, le 11 septembre chez Tricatel. Je marchais à vive allure. Autour de moi, les bus et les voitures. Le souffle court, arrivé là. J'attendais, je ne sais quoi. J'irai à la préfecture, j'irai à la préfecture demain. J'irai à la préfecture, j'irai à la préfecture demain. J'irai à la préfecture, j'irai bien demain. Le temps ne m'aidait pas. Et moi, j'étais si là. Typiquement le titre qui te rentre dans la tête et qui te dit oui, il faut se lever en ce vendredi 29 mai. Mais rassurez-vous, c'est le dernier vendredi du mois de mai. Ça c'est chouette parce qu'après ça veut dire que c'est le mois de juin. Et c'est chouette parce que le mois de juin, bah, c'est soleil, parce que ça respire déjà un petit peu l'été. Parce que le mois de juin, bah, c'est l'assurance d'avoir une petite canicule. Le mois de juin, c'est l'assurance des merguez, des saucisses, du bonheur. Le mois de juin, c'est peut-être le temps d'aller à la préfecture ou pas. En tout cas, dans la catégorie nom de groupe stupide. Cocher la case soleil vert, trio français décalé, mais complètement pop, avec cette petite guitare sautillante, cette petite nappe vaporeuse. Tout ça sortira en EP, en vrai, Amour Orange, c'est le nom du EP, en novembre. Et oui, et le titre s'appelle La Préfecture. L'attente était si longue. Enfin, sortira en novembre 2019, vous m'aviez compris. L'attente était si beau. Donc j'ai juste 6 mois de retard. J'irai à la préfecture, j'irai à la préfecture demain. J'irai à la préfecture, j'irai à la préfecture demain. dans la catégorie groupe de filles, groupe girly, groupe à écouter également en dansant, les bras en l'air. C'est le groupe Le Couleur. Et oui, Le Couleur, je vous ai déjà présenté avec un morceau qui s'appelait Concorde, si je ne me trompe pas. Le Couleur, c'est un son électropop aussi brillant que les lumières du défunt Studio 54. Je vais vous dire, ok, je m'enflamme un petit peu, c'est vrai, sur ce groupe, mais bon, allez savoir. Après deux EP quand même, hein, Voyage Love en 2013, et la Dolce Désir en 2015, et un premier album, et oui, ils ont déjà sorti un premier album, qui s'appelait Pop, P.O.P. en 2016, qui avait été complètement encensé par la critique, et bien le groupe revient donc avec Concorde, un album aux influences complètement vintage, très 70, très érotique, petit charme désuet, c'est léger, des petites racines disco, un petit peu vieillé, un petit peu de psychédélisme, et puis de la chanson française dans le texte. J'avais beaucoup, beaucoup aimé le morceau Concorde. Et blati pas que le deuxième morceau m'enthousiasme tout autant. Il s'appelle Silencio. Et donc, l'album devrait sortir, eh ben, vous savez quoi, pendant le Disquaire Day. Mais ce n'est pourtant pas mon choix du Disquaire Day de cette semaine. Vous l'aurez juste après. Mais en tout cas, c'est bien le groupe La Couleur avec le morceau Silencio. On va ralentir un petit peu la cadence, je vous en parlais, c'est le Disquaire Day qui avait lieu, qui aurait dû avoir lieu initialement le 18 avril dernier. Oui, mais voilà, avec les événements, ça a été repoussé. Et donc, ils ont choisi plusieurs dates. Ben, la première date, ça sera le 20 juin prochain, puis le 29 août, puis le 26 décembre, puis le 24 octobre. Oui, pas une date pour le Disquaire Day, mais une, deux, trois, quatre dates. 20 juin, 29 août, 26 septembre, 24 octobre. Histoire de bien vous faire dépenser beaucoup d'argent. Bah oui, hein, c'est ça. Et il faut soutenir d'ailleurs les disquaires indépendants. Et donc, j'ai décidé à chaque fois de vous offrir un titre. Et donc, un album qu'il faut se procurer pendant ce Disquaire Day, catégorie chanson française. Et donc, cette semaine, j'ai choisi un monsieur qui est déjà passé à Dijon au festival générique pour un brunch. C'était archi complet. Bon. C'est vrai, ok, je crois que l'entrée était quasi gratuite. Ok, on partageait tous de la bonne nourriture dijonnaise. Et puis on écoutait surtout ce monsieur qui a un talent de dingue. Et qui c'était son deuxième déjà passage à Dijon. Ben, je vous laisse découvrir qui c'est. Et je vous explique l'album juste après. C'est le choix, mon choix pour le Disquaire Day du 20 juin. Et vous pouvez déjà réserver cet album chez votre disquaire indépendant. J'ai du mal à imaginer que l'on est déjà aujourd'hui. Je ne l'ai jamais rappelé et je n'ai trompé que la nuit. J'ai du mal à imaginer que l'on est déjà aujourd'hui. Je ne l'ai jamais rappelé. Que la nuit. Je ne l'ai jamais rappelé. Non, je plaisante. et je n'ai trompé que la nuit. J'ai du mal à imaginer que l'on est déjà aujourd'hui. Je ne l'ai jamais rappelé et je n'ai trompé que la nuit. C'est Monsieur Flavien Berger avec l'album qui sortira donc pendant le Disquaire Day qui s'appelle Radio Contretemps. En fait, c'est tout simplement un album surprise qui était sorti l'année dernière en 2019, qui était des titres inédits enregistrés lors de la session de son précédent disque qui s'appelait pour le coup Contretemps. Puis il avait fait beaucoup de morceaux et puis il n'arrivait pas à se résoudre à les jeter dans la poubelle d'Internet. Et il s'est dit non, je vais en faire quelque chose, je vais en faire un radio. Contretemps, c'est-à-dire expliquer un petit peu tous ces morceaux. Il y a beaucoup d'interludes dans cet album. Il explique à chaque fois la jeunesse du morceau et il nous donne des clés pour comprendre un petit peu sa musique. C'est fort intéressant et c'était disponible pour l'instant que sur des supports numériques. Et Vlatipa, avec cette très belle pochette qu'il va sortir en format vinyle, oui, pendant le Disquaire Day le 20 juin. Donc, Fabien Berger, Contretemps, c'est mon choix du Disquaire Day de cette semaine. Et on enchaîne. Oh, ne vous y trompez pas, c'était bien ma voix. Oui, en plus, il précise que c'est bien sa voix, et j'ai eu un doute, moi, en écoutant ce morceau, mais c'est bien sa voix, celle de Flavien Berger. Allez, il nous reste exactement une petite dizaine de minutes avant la matinale avec le Martin sur les ondes de Radio Dijon Campus, émission réalisée en direct, mais sans public, des studios de Radio Dijon Campus. L'émission, la matinale donc, le Réveil Campus, Martin, dans 8 minutes maintenant. Et en attendant, retour sur une rubrique qui apparaît comme ça de temps en temps dans le Before du vendredi. C'est la rubrique donc du Diggers, c'est-à-dire des petits 45 tours que je vous invite à chercher sur des brocantes, mais là ça paraît compliqué, ou tout simplement sur Internet, chez Discog. Et là, c'est Monsieur Pierre Bachelet, Jamais 203. Il était un peu dans l'époque 70 avec surtout la bande originale d'Emmanuel. Et puis peut-être qu'on l'avait approché pour faire Les Bronzés. Et puis il a fait Les Bronzés, rappelez-vous. Donc il était vraiment dans cette période 70 et très érotique, très travaillé les morceaux. Et j'avoue que ce Jamais 203 petit 45 tours, c'est une petite pépite. C'est donc le Diggers du jour. À Paris, Tahiti. fou. En tout cas, jamais moi sans vous. Voilà tout, voilà tout. Si jamais moi sans toi, en tout cas, jamais sans moi. C'est comme ça. Sélection Michel. Que je rends hommage quand même à ce groupe que j'adore, le groupe Kraftwerk bien sûr. Et je vous rappelle que Florian Schneider nous a quittés à l'âge de 73 ans, il y a ça quelques semaines maintenant, voilà. Et il nous fallait une petite référence ici, un petit clin d'œil quand même à ce groupe Kraftwerk qu'il avait fondé en 1970, voilà, avec Ralf Hütter. Les deux musiciens d'ailleurs se sont rencontrés au conservatoire de Düsseldorf 2 ans auparavant. Florian joue de la flûte et du violon. Mais très vite, les deux musiciens se passionnent pour la technologie, le design, l'architecture et aussi les films de Jacques Tati. Au départ, franchement, le succès n'était pas vraiment rendez-vous pour Kraftwerk. Mais voilà, les deux musiciens jouent dans le centre d'art des musées. Et en 1974, sort Autobahn. Et là, c'est la déferlante. C'est LE succès mondial. La musique est avant-gardiste et elle a tellement influencé de groupes. Et j'ai eu la chance de les voir, et c'est une vraie chance de les voir au The Rocken de Belfort. Et en plus, les deux leaders étaient là, Florian et également, je vous l'ai dit, Ralf Hütter. Les deux étaient présents et c'était un super concert. Donc voilà, Kraftwerk, petit clin d'œil à monsieur Florian Schneider qui nous a quitté à l'âge de 73 ans. Je vous laisse avec la matinale, Martin, dans quelques instants en direct des studios de Radio Campus. Quant à moi, je vais refermer le studio ici d'enregistrement. Très loin du Radio Campus et vous souhaite une très belle journée ensoleillée, un très joli week-end pour le dernier mois de mai et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour un nouveau Before. nous rentrons dans un club et commençons à danser. Nous sommes les mannequins, nous sommes les mannequins.